Numéro 4. À plus tard. Atto de ne. À l'an prochain. Mata lainen. J'y vais. Itte kimasu. Allez-y. Vous pouvez y aller. Itte rasshai. Je rentre. Me revoilà. Tadaima. Enchanté de vous revoir. Okaerinasai.